les stars, pourtant ils sont loin d'être arrivés les premiers. Pourquoi tester, tu sais bien, fait de vrai, ne fait que rafaler. Pourquoi je mentirais, tu sais bien, qu'ici il n'y a que des crevés. J'suis loin des gros gays, des drogués, j'représenterai toujours la cité. Laisse-moi tranquille, laisse-moi passer, ça va chauffer pour tes seufs. Les boycottés, tu connais l'équipe dehors ou enfermé. De Montreuil à Fontenay, on représente tous les quartiers. Tous les quartiers, les quartiers, les jeunes de la rue qui ne font que zoner. On veut tous palper, tous sortir un putain de projet. J'en ai marre de traîner, bouffer les pattes toute la journée. 28 piges en training, le temps passe vite, il fait que s'écouler. Faut le million, faut le million, faut le million, faut le million, éviter la prison. Éviter la prison. Le million, le million, le million. Le million, le million, le million, le million, le million, le million. Alors petit con. Oui. Évite les altercations. Y'en a trop qui tombent. Oui. Et je ne te parle pas d'un balcon. Non. Bouffe ma bite comme un saucisson. Et répète les paroles de la chanson. Fais pas le fou si t'as rien dans le caleçon. J'fais pas le gang, j'ai aucune relation. Non. Alors, con. Les altercations. Oui, y'en a trop qui tombent. Et je ne te parle pas d'un balcon. Bouffe ma bite comme un saucisson. Et répète les paroles de la chanson. Fais pas le fou si t'as rien dans le caleçon. Je suis pas gang, j'ai aucune relation. Le million.